بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. سأل سائل بعذاب واقع. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable. للكافرين ليس له دافع. Pour les mécréants que nul ne pourrait repousser. من الله ذي المعارج. Et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. فاصبر صبرا جميلا. Supporte donc d'une belle patience. إنهم يرونه بعيدا. Ils voient le châtiment bien loin. ونراه قريبا. Alors que nous le voyons bien proche. يوم تكون السماء كالمهل. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. وتكون الجبال كالعهن. Et les montagnes comme de la laine. ولا يسأل حميم حميما. Où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un ami. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. وصاحبته وأخيه. Sa compagne, son frère. وفصيلته التي تؤويه. Même son clan qui lui donnait asile. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Et tout ce qui est sur la terre, tout. Qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier. Arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. Amassait et thésaurisait. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salate. Qui sont assidus à leur salate. Et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat. للسائل والمحروم. Pour le mendiant et le déshérité. والذين يصدقون بيوم الدين. Et qui déclare véridique le jour de la rétribution. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur. إن عذاب ربهم غير مأمون. Car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. والذين هم لفروجهم حافظون. Et qui se maintiennent dans la chasteté. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. Et qui témoignent de la stricte vérité. Et qui sont réguliers dans leur salat. أولئك في جنات مكرمون. Ceux-là seront honorés dans des jardins. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi le cou tendu. عن اليمين وعن الشمال عزين. De droite et de gauche, venant par bande. Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices ? Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. Laisse-les donc s'enfoncer dans leurs mécréances et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait.